Alors, voyons. Prenons maintenant le verbe faire, qui se dit fare. Fare. Oui. Donc, je ferai se dira farò. C'est ça. Farò. Et je le ferai lo farò. Attention, il faut insister sur la fin du mot. Lo farò. Lo farò. Lo farò. Je le ferai. Et je ne le ferai pas? Non farlo. Non. Non farò. Je ne le ferai pas. Ah. Non lo farò. Non lo farò. Oui. Dites-moi, il le fera. Lo fara. C'est ça. Lo fara. Et quand le ferez-vous? Quando? Quando lo fara? Bien. Quando lo fara? C'est donc toujours la même forme en italien. C'est ra. Que ce soit pour il, elle ou le vous du vouvoiement. Rappelez-moi comment on dit je reste. Resto. C'est ça. Resto. Et je reste ici? Resto qui. Voilà. Resto qui. Et maintenant, vous pouvez dire je reste à la maison ce soir. Resto a casa stasera. Bien, resto a casa stasera. Mais vous pourriez aussi bien dire je resterai à la maison ce soir. Traduisez-moi cette phrase. Je resterai à la maison ce soir. Restarò a casa stasera. Presque. Je dis presque parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore expliqué. C'est-à-dire qu'au futur, avec les verbes en are, régulier, au lieu d'avoir arò, on a erò. Donc, je resterai, ce n'est pas restarò, mais resterò. Resterò a casa stasera. Maintenant, vous allez dire combien de temps restez-vous en Italie? Quando? Quando, c'est quand? Comment dit-on combien de temps? Combien se dit? Quanto. Combien de temps? Quanto? Quanto tempo? C'est ça. Quanto tempo restez-vous? C'est simplement « resta » ou est-ce que vous voulez le futur? J'ai dit « restez-vous », donc c'est un présent. Quanto tempo resta in Italia? Quanto tempo resta in Italia? Oui. Maintenant, on peut dire aussi « combien de temps resterez-vous en Italie ?» Quanto tempo restare, restara? Attention, nous venons de voir que la terminaison du futur des verbes en are contient un e et non un a. Restera. Oui, mais n'oubliez pas qu'au futur, on insiste toujours sur la fin du mot. Restera. Restera. Oui. Encore une fois, depuis le début, combien de temps resterez-vous en Italie? Quanto tempo resterà in Italia? Bon, quanto tempo resterà in Italia? Dites-moi maintenant, je ne sais pas. Non so. Non so, oui. Le mot encore se dit simplement « ancora » et s'écrit avec un « a » au début. A-N-C-O-R-A. Dites-moi alors. Je ne sais pas encore. Non so ancora. Non so ancora. Oui. Et maintenant, comment diriez-vous? Je ne sais pas encore combien de temps je resterai en Italie. Non so ancora. Combien de temps? Quanto tempo? Je resterai. Restero. Attention, on insiste sur la fin du mot. Restero. Bien. Je recommence? Oui, reprenez depuis les débuts. Je ne sais pas encore combien de temps. Non so ancora quanto tempo. Je resterai en Italie. Restero in Italia. Voilà. Non so ancora quanto tempo resterò in Italia.